Chapitre 19e, le jour du mariage de Belinda. Le soleil brilla le jour du mariage de Belinda Lawford. Les oiseaux chantaient dans le jardin quand elle ouvrit la persienne de la fenêtre et regarda au dehors. Le mot persienne n'est pas une licence poétique, car la chambre de Miss Lawford était un appartement spacieux et à l'ancienne mode, avec des saillies intérieures à la fenêtre et des châssis à facettes. Le soleil brillait et les roses s'épanouissaient dans toute leur splendeur d'été. C'était la saison des roses. Comme l'a si bien chanté Thomas Hood, le charmant poète, et, à coup sûr, la saison la plus belle entre toutes pour la célébration d'un mariage. La jeune fille regarda briller les rayons du soleil avec ses cheveux en désordre sur ses épaules, et elle demeura quelque temps à contempler le jardin familier avec un sourire à demi pensif. « Oh, que de fois, dit-elle, je me suis promenée à côté de ces laburnes, Letty. Il y avait deux jolis petits lits à rideaux blancs dans la vieille chambre, et Miss Arundel avait partagé l'appartement de son amie toute la semaine dernière. Que de fois, maman et moi, nous nous sommes assis sous le vieux cèdre aimé, faisant les habits de nos pauvres. On dit que les existences monotones ne sont pas heureuses. La mienne n'a jamais varié, et pourtant comme elle a été heureuse. Et dire que nous... » Elle s'arrêta un moment, et la couleur rosée de ses joues devint légèrement plus marquée. C'était si doux de se servir de ce simple monosyllabe. Nous, lorsqu'Edward Arundel était l'autre moitié du prénom. « Et dire que nous serons à Paris demain. Nous irons au bois, » s'écria Miss Arundel, « et nous dînerons à la Maison Dorée ou au Café de Paris. Ne dînez pas chez Maurice Linda. C'est affreusement commun de dîner à son hôtel. Vous serez une jeune mariée et vous pouvez tout faire, vous savez. Si j'étais une jeune mariée, je demanderais à mon mari de me conduire à Mabille pour une demi-heure seulement avec un vieux chapeau et un voile épais. J'ai connu une jeune fille dont la cousine Germaine épousa un cornet des gardes et ils furent un soir à Mabille. Allons, Belinda. » « Si vous voulez être peignée, asseyez-vous sans plus tarder et laissez-moi commencer l'opération. » Miss Arundel avait stipulé que dans cette matinée-là, elle coifferait elle-même son amie. Il releva les manchettes tuyautées de son peignoir blanc et se mit à l'œuvre de la bonne manière, déroulant un réseau de boucles brillantes sur les épaules de Miss Lawford avant de commencer les tresses soignées qui devaient faire une couronne à la jeune mariée. La langue de Laetitia allait aussi vite que ses doigts, mais Belinda gardait le silence. Elle songeait à la bonté de la Providence qui lui avait donné pour mari l'homme qu'elle aimait. Elle s'était jetée à genoux le matin de bonne heure, longtemps avant le réveil de Laetitia. Elle avait exprimé ses remerciements innocents pour le bonheur dont débordait son cœur jeune et franc. Il faut qu'une femme ait été élevée à la campagne et dans le cercle étroit d'un heureux intérieur pour éprouver ce que ressentait Belinda. Un amour comme le sien n'est donné qu'à de brillants et innocents esprits qui n'a pas même souillé la connaissance du mal. Au rez-de-chaussée, Edward Arundel faisait semblant de déjeuner en tête-à-tête avec son futur beau-père. Le major n'avait pas parlé du visiteur inattendu qu'il avait reçu pendant la nuit précédente. Il avait donné des ordres particuliers pour qu'aucun étranger ne fût introduit dans la maison et tout s'était borné là. Mais comme il était d'un naturel franc pour ne pas dire bavard, le poids de ce secret était un terrible fardeau pour l'honnête soldat en demi-solde. Il mangea sa rôtie d'un air inquiet et regardait la porte de temps en temps dans l'attente perpétuelle de l'apparition d'Olivia Marchmont derrière cette barrière poussée par elle. Le déjeuner n'était donc pas très gai. Je ne suppose pas que jamais déjeuner antinuptial ait pu l'être. Il y avait le banquet d'apparat, le déjeuner de noces, qui devait arriver ensuite, et Mrs. Lawford, aidée de toutes les femmes de la maison, mettait la dernière main à des montagnes de fruits et de pâtisseries, à des pyramides de fleurs et à cette gloire couronnant l'œuvre, le gâteau de noces. Souvenez-vous que le madère et le vin du Rhin sec doivent être versés à la ronde tout d'abord. Ensuite viendra le vin mousseux, et dites à Gogram de prendre garde au bouchon, Martha, dit Mrs. Lawford à sa servante de confiance, en jetant un dernier regard anxieux sur la table. Je me suis retrouvé une fois à un déjeuner, mon bouchon de champagne frappa le nez du marié au moment où il se levait pour porter un toast de remerciement, et comme il était peureux, le pauvre diable. À vrai dire, c'était un vicaire et la fiancée était la fille du curé, ayant à elle un revenu de 200 livres par an. Cela le troubla, et il ne put reprendre son assiette de tout le déjeuner. « Et maintenant, il faut que j'aille vite mettre mon chapeau neuf. » On ne fit autre chose que mettre des chapeaux, épingler des châles en dentelle, demander partout des épingles à cheveux, et changer une foule de petits services féminins d'un bout à l'autre du premier étage pendant la demi-heure suivante. Le major Lawford se promenait dans le vestibule, mettant ses gants blancs qui étaient trop grands pour lui. Les gants blancs d'hommes d'âge mûr sont toujours trop grands pour eux, et surveillant la porte de la citadelle. Il faudrait qu'Olivia passât sur le corps du père, se disait le vieux soldat, avant d'ennuyer Belinda le matin de son mariage. Peu à peu, les voitures vinrent se ranger devant la porte. Les demoiselles d'honneur descendirent l'escalier tout ensemble, frôlant l'une contre l'autre leur robe à falbala et se disputant comme de vraies sœurs. Ensuite parut Laetitia Rundell avec 9 volants en soie blanche, s'agitant et voltigeant autour d'elle et avec un sourire de satisfaction sur la figure. Et enfin, suivirent Mrs. Arundel vêtue majestueusement d'une robe de moire gris d'argent et Mrs. Lawford en costume de soie violette. Le vestibule était un vrai parterre de chapeaux, de bouquets et de mousselines. La dernière de toutes fut Belinda Lawford en robe de mariée, couleur de nuage et toute en dentelle. Les fleurs d'oranger se balançaient autour de sa tête. Elle descendit lentement le vaste escalier à l'antique et rejoignit son mari qui allait et venait dans le vestibule. Il avait l'air très grave, mais il accueillit sa fiancée avec un tendre sourire. Il l'aimait, mais il ne pouvait oublier. Même en ce jour, le jour de son mariage, l'ombre du passé le hantait sans qu'il pût la chasser. Il n'attendit pas que Belinda fût au bas de l'escalier. Il y avait une espèce d'étiquette à observer, et il ne devait parler à Miss Lawford dans cette matinée particulière qu'au moment où il se trouverait avec elle dans la sacristie de l'église de Hellingsworth. Aussi Laetitia et Mrs. Arundel entraînèrent-elles le jeune homme vers l'une des voitures, tandis que le major Lawford courait recevoir sa fille au pied de l'escalier. La voiture des Arundel partit 5 minutes avant celle qui devait porter le major Lawford, Belinda et autant de demoiselles d'honneur qu'il était possible d'en entasser dans le véhicule sans que les dentelles et les mousselines eussent à en souffrir. Le reste de la noce entra avec Mrs. Lawford dans la 3e et dernière voiture. L'église de Hellingsworth était à 3/4 de mile environ de la grange. C'était un joli et vieux bâtiment irrégulier situé dans un petit coin à l'ombre d'un grand chêne vert. Derrière la tour normande carrée se trouvait une rangée de peupliers qui se profilait en noir sur le ciel bleu de l'été, et entre la porte basse du cimetière et le porche gris recouvert de mousse, il y avait une avenue de beaux vieux ormes. Les grôles piaillaient à qui mieux mieux dans les branches les plus élevées des arbres au moment où la voiture du major Lawford s'arrêta à la porte du cimetière. Belinda jouissait d'une grande faveur parmi les pauvres de la paroisse de Hellingsworth, et en l'honneur de son mariage, l'endroit avait revêtu un air de fête. Des guirlandes de chèvrefeuilles et de clématites sauvages s'enroulaient autour des larges montants en chêne de la porte. Les enfants de l'école étaient groupés dans le cimetière avec leurs tabliers pleins de fleurs, récemment cueillis dans les sentiers ombragés et dans les charmants jardins des cottages voisins. Ces brillantes fleurs champêtres étaient encore humides de la rosée du matin. Le curé et son vicaire étaient debout sous le porche, attendant l'arrivée des mariés, et des groupes de personnes bien mises se voyaient çà et là dans les bancs propices au sommeil qui occupaient les abords de l'hôtel. Il y avait de plus humbles spectateurs réunis sous le plafond bas de la galerie, des femmes de commerçants et leurs filles éblouissantes de rubans neufs, et savourant par anticipation dans une causerie à voix basse tout le plaisir de la cérémonie. Chacun, dans les environs de la grange, aimait la bonne et jolie Belinda Lawford, et la joie que causait son bonheur était universelle. Le cortège nuptial sortit peu à peu de la sacristie dans l'ordre ordinaire. La mariée baissait la tête et avait la figure cachée par son voile. Les toilettes des demoiselles d'honneur faisaient, à mesure qu'elles s'avançaient dans l'aile, à peu près le bruit d'un champ de blé qui ondoie sous la brise d'été. Ensuite, la voix grave du curé commença le service par le court exorde préliminaire, et d'un ton qui devint de plus en plus solennel à mesure que les paroles prononcées par lui avaient plus d'importance, il en arriva à cette terrible exhortation qui s'adresse spécialement aux mariés et à la mariée. Je vous exhorte tous deux, au nom de la responsabilité qui pèsera sur vous au jour du jugement dernier, alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, à confesser ici si vous connaissez quelque empêchement à votre mariage, car soyez assurés que le curé n'alla pas plus loin, car une voix de femme, partie du fond de l'église où régnait une profonde obscurité, s'écria « Arrêtez !» Le silence se fit tout à coup. Les assistants se regardèrent avec étonnement, puis tournèrent les yeux du côté d'où était venue la voix. La mariée releva la tête pour la première fois depuis sa sortie de la sacristie et regarda autour d'elle, pâle et tremblante. « Oh, Edward, Edward !» s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Le curé attendit, la main toujours posée sur le livre ouvert. Il attendit en regardant vers l'autre bout de la nef. Il n'eut pas longtemps à attendre. Une femme, portant un épais voile noir, qu'elle rejeta en arrière de sa figure pâle et égarée, et traînant sur les dalles, ses vêtements couverts de poussière s'avança lentement le long de l'aile. Ses deux mains étaient jointes sur sa poitrine, et sa respiration était haletante comme si elle eût couru. « Olivia !» s'écria Edward Arundel. « Au nom du ciel, qu'est-ce que... » Mais le major Lawford fit un pas en avant et parla au curé. « Je vous en prie, qu'on l'éloigne, » dit-il à voix basse. « J'étais prévenu de tout ceci. J'étais préparé à une interruption de ce genre. » Il baissa la voix et dit tout bas à l'oreille du curé. « Elle est folle. » Le murmure fut, comme tous les autres murmures en général, plus distinct que le restant du discours. Olivia Marchmont l'entendit. « Folle jusqu'à aujourd'hui !» s'écria-t-elle. « Mais pas aujourd'hui !»« Oh, Edward Arundel, un mal affreux vous a été fait par moi et avec mon aide. Votre femme !»« Ma femme, eh bien quoi, elle est vivante !» s'écria Olivia. « Et à une heure de marche d'ici !» Je suis venu à pied, j'étais exténué et j'ai mis longtemps à faire le trajet. J'ai pensé que j'arriverais à temps pour vous empêcher d'aller à l'église, mais je suis très faible. J'ai fait en courant une partie du chemin. Ses mains retombèrent sur la grille de l'autel et on eût dit qu'elle allait se laisser choir. Le curé la soutint de son bras et elle continua. « Je pensais pouvoir lui épargner ceci, » dit-elle en montrant Belinda, « mais je n'ai pu l'éviter. Il faut qu'elle ait sa part de douleur comme tout le monde. » Elle ne peut être plus pénible pour elle que pour tant d'autres. Il faut qu'elle se résigne. « Ma femme ?» dit Edward Arundel. « Marie, ma pauvre malheureuse enfant, vivante ?» Belinda détourna la tête et cacha sa figure sur l'épaule de sa mère. Elle aurait tout supporté, mais pas cela. Le cœur d'Edward, ce trésor suprême pour le don duquel elle avait remercié Dieu, n'avait jamais été à elle après tout. Un mot, un souffle, il était oublié. Les pensées du jeune soldat revenaient à l'autre. Il y avait une joie indicible, une tendresse inexprimable dans le son de sa voix, tandis qu'il parlait de Mary Marchmont, quoiqu'elle fût à côté de lui, dans sa toilette de mariée, avec son cœur brisé. « Oh, ma mère » s'écria-t-elle, « emmenez-moi avant que je meure !» Olivia se jeta à genoux à côté de la grille de l'hôtel. Là où la jeune et pure fiancée aurait dû s'agenouiller côte à côte avec celui qu'elle aimait, cette malheureuse pécheresse se prosterna, et la profondeur de son désespoir dépassa toutes les limites ordinaires. « Oh, ma faute » s'écria-t-elle, en levant ses mains jointes au-dessus de sa tête. « Dieu ne me pardonnera-t-il jamais ma faute? Dieu aura-t-il jamais pitié de moi? Peut-il avoir pitié d'une faute comme la mienne? Peut-il me la pardonner ?» Mon œuvre aujourd'hui elle-même n'est pas une expiation qui puisse compter en ma faveur. J'étais jalouse de cette autre femme, j'étais jalouse. La passion terrestre avait toujours le dessus dans mon misérable cœur. Elle se releva tout à coup, comme si cette explosion n'eût pas eu lieu, et posa sa main sur l'épaule d'Edward Arundel. « Venez, » dit-elle, « venez. » Vers elle, vers Marie, vers ma femme. On avait déjà emmené Belinda en ce moment. Mais le major Lawford était toujours là. Il essayait de tirer Edward à l'écart, mais la main d'Olivia tenait le bras du jeune homme aussi fortement qu'un étau. « Elle est folle !» murmura le major. « Monsieur Marchmont est venu me voir la nuit dernière. Il m'a averti de tout ceci. Il m'a dit d'être prêt à tout. Elle a toutes sortes d'hallucinations. Éloignez-la, si vous pouvez, pendant que je vais tout expliquer à Belinda. Edward, si vous avez une étincelle d'énergie, éloignez cette femme. » Mais Olivia resserra son étreinte sur le bras du marié. « Venez, » dit-elle, « venez. Êtes-vous changé en pierre, Edward Arundel? Est-ce là toute la force de votre amour? Je vous dis que votre femme, que Mary Marchmont est vivante, que ceux qui doutent de mes paroles viennent voir par eux-mêmes. » Les spectateurs curieux, debout dans les bancs ou agglomérés dans l'aile étroite, ne demandaient pas mieux que de se rendre à cette invitation. Olivia entraîna son cousin dans le cimetière, et de là à la porte où attendaient les voitures. La foule se pressa derrière eux, et les badauds qui se trouvaient au dehors les accueillirent par des acclamations. Ces acclamations étaient le signal qu'attendaient les enfants. Ils se mirent à jeter leurs fleurs sur l'étroit sentier avant de regarder ceux qui allaient venir fouler sous leurs pieds le jasmin, le chèvrefeuille et le seringat. Mais ils reculèrent d'étonnement et d'effroi lorsqu'Olivia apparut dans le sentier, entraînant les fleurs avec les pans de sa robe noire et menant par le bras le pâle marié. Elle le guida jusqu'à la portière de la voiture, à côté de laquelle attendait le groom à tête grise du major Lawford, qui avait attaché à sa boutonnière une grosse bouffette de satin blanc et un bouquet de roses. Il y avait des faveurs aux oreilles des chevaux, ainsi que sur la poitrine des commerçants d'Ellingworth, qui fournissaient à la famille de la grange le pain, la viande et les épiceries. Les sonneurs, postés au sommet de la tour, virent la foule sortir du porche et crurent que la cérémonie était finie. Les cloches retentirent dans l'air brûlant de chaleur, tandis qu'Edward était à côté de la porte du cimetière avec Olivia Marchmont près de lui. « Prêtez-moi votre voiture, » dit-il au major Lawford, « et venez avec moi. Il faut que je voie la fin de tout ceci. Ce peut être une hallucination, mais je veux en avoir le cœur net. Si l'instinct dit vrai, je crois que je reverrai ma femme, vivante. » Il monta en voiture sans plus de cérémonie, et Olivia et le major le suivirent. « Où est ma femme ?» demanda le jeune homme abaissant la glace du devant de la voiture, tandis qu'il parlait. « À Kimberling, chez Hester Jobson. »« Droit à Kimberling, » dit Edward au cocher, « à la grande rue de Kimberling aussi vite que vous pourrez. » Le cocher fouetta ses chevaux, et la voiture s'éloigna de la porte du cimetière. Les plus humbles parmi les spectateurs que n'arrêtait aucune des convenances sociales coururent après la voiture et soulevèrent en courant des nuages de poussière sur la grande route. Les plus hautes classes demeurèrent autour du cimetière et s'entretinrent de l'étonnante nouvelle. Très peu de personnes daignèrent songer à la pauvre Belinda Lawford. Que le daim blessé s'en aille gémir. Un daim blessé est un objet peu intéressant. Lorsqu'il y a des limiers qui donnent de la voix, tout près de là et que la chasse recommence. « Depuis quand ma femme est-elle à Kimberling ?» demanda Edward Arundel à Olivia, lorsque la voiture enfila la grande route entre les deux villages. « Depuis le point du jour ce matin. Où était-elle auparavant ?»« À la ferme de Stone et Stringford. » »« Et avant ?»« Dans le pavillon du chalet, à Marchmont. »« Oh mon Dieu !» Le jeune homme ne finit pas sa phrase. Il se pencha vers la portière, le regard fixé vers Kimberling. Il chercha à découvrir la grande rue du village irrégulièrement bâti. « Plus vite » criait-il de temps en temps au cocher. « Plus vite !» Un peu plus d'une demi-heure après son départ de la porte du cimetière, la voiture s'arrêta devant la petite boutique du charpentier. La porte d'entrée de la maison de M. Jobson était ornée d'une espèce de tableau représentant de croque-morts à triste mine, debout devant une porte, car le mari de Hester joignait à son état de charpentier-menuisier le métier plus aristocratique d'entrepreneur de pompes funèbres. Olivia Marchmont descendit de voiture avant qu'aucun des deux hommes pût mettre pied à terre pour l'aider. La puissance était l'attribut suprême de l'esprit de cette femme. Elle ne déviait jamais de son but. Depuis le moment où elle avait quitté Marchmont Towers jusqu'à l'heure présente, elle n'avait eu ni cesse ni relâche et n'avait pas hésité une minute. « Venez, » dit-elle à Edward Arundel en se retournant une fois sur le seuil de la porte de M. Jobson. « Et vous aussi, » ajouta-t-elle en se tournant vers le major Lawford. « Suivez-nous et voyez si je suis folle. » Elle traversa la boutique et pénétra dans l'élégant petit salon où Edward Arundel s'était lamenté sur la perte de sa femme. Les persiennes des fenêtres étaient ouvertes et les chauds rayons du soleil et d'été envahissaient la chambre. Une jeune femme, la figure entourée de boucles de cheveux bruns flottants, était assise sur le parquet et regardait un joli petit nourrisson de 12 mois. La jeune fille était la fille de John Marchmont, le nourrisson était le fils d'Edward Arundel. C'était son cri enfantin que le jeune homme avait entendu par cette soirée d'octobre dans le pavillon du bord de l'eau. « Marie Arundel, » dit Olivia d'une voix dure, « je vous rends votre mari. » La jeune mère se releva en poussant un faible cri, chancela, et tomba dans les bras de son mari. « On me disait que vous étiez mort, on me faisait croire que vous étiez mort, » dit-elle. Puis il s'évanouit sur la poitrine du jeune homme. Edward la porta sur un sofa et l'y déposa pâle et inanimée. Ensuite, il s'agenouilla à côté d'elle, pleura à chaudes larmes et adressa des remerciements entrecoupés de sanglots au Dieu qui lui avait rendu sa femme. « Pauvre doux agneau, » murmura Hester Jobson, « elle est aussi faible qu'un baby. Elle en a déjà tant supporté ce matin. » Il s'écoula quelque temps avant qu'Edward Arundel releva la tête de dessus l'oreiller où reposait la pâle figure de sa femme à moitié cachée par sa chevelure emmêlée. Mais quand il releva les yeux, il se tourna vers le major Lawford et lui tendit la main. « Ayez pitié de moi, » dit-il, « j'ai été la dupe d'un misérable. Dites à votre pauvre fille combien je l'estime, combien je regrette que nous soyons aimés comme nous l'avons fait. L'instinct de mon cœur m'aurait fait rester fidèle au passé, mais il était impossible de connaître votre fille et de ne pas l'aimer. Le misérable, qui était la cause de ce malheur, payera cher son infamie. Retournez vers votre fille, dites-lui tout, Dites-lui ce que vous avez vu ici. Je connais son cœur, et je sais qu'elle ouvrira ses bras à cette pauvre malheureuse enfant. » Le major s'enfuit la tête baissée. Esther Jobson se donna du mouvement pour apporter des selles et des oreillers, s'arrêtant de temps en temps dans une explosion d'affection à côté du sofa rembourré sur lequel était couchée Mary. Mrs. Jobson avait préparé sa meilleure chambre à coucher pour sa bien-aimée visiteuse, et Edward emporta sa jeune femme dans cette chambre propre et bien aérée. Il revint au salon pour chercher l'enfant. Il prit dans ses bras le baby aux jolis cheveux, mais je regrette de dire que l'enfant eut envie de pleurer sous les caresses de son père nouvellement retrouvé. C'est seulement dans les drames anglais que les pères retrouvés sont accueillis avec un élan d'affection de commande. Edward Arundel reparut ensuite au salon et s'assit en attendant qu'Esther lui apportât des nouvelles de sa femme. Olivia Marchmont se tint à côté de la fenêtre, les yeux fixés sur Edward. « Pourquoi ne me parlez-vous pas ? » dit-elle tout à coup. « Ne pouvez-vous trouver des mots assez méprisants pour exprimer la haine que vous ressentez pour moi ? Est-ce pour cela que vous vous taisez ?»« Non, Olivia, non, » répondit le jeune homme avec calme. « Je me tais parce que je n'ai rien à vous dire. Pourquoi avez-vous agi comme vous l'avez fait ? Pourquoi avez-vous consenti à être l'instrument d'un misérable ? Voilà un mystère impénétrable pour moi. Je remercie Dieu que votre conscience se soit réveillée aujourd'hui et que vous ayez du moins empêché le malheur d'une innocente jeune fille. Mais pourquoi avez-vous tenu ma femme cachée ? Pourquoi avez-vous été la complice du crime de Paul Marchmont ? C'est là ce que je ne puis deviner. « Pas même maintenant, » dit Olivia, le regardant avec un étrange sourire. « Même maintenant, je suis encore un mystère pour vous. »« Oui, Olivia. » Elle se détourna de lui avec un éclat de rire. « Alors il vaut mieux que je sois un mystère jusqu'au bout, » dit-elle en regardant dans le jardin. Mais après un moment de silence, elle se retourna de nouveau vers le jeune homme. « Je parlerai, » dit-elle. « Je veux parler, Edward Arundel. J'espère et je crois que je n'ai pas longtemps à vivre, et que toute ma honte et ma misère, mon opiniâtre méchanceté, ma coupable passion, finiront comme un long rêve fiévreux. Oh Dieu, ayez pitié de moi au réveil, et faites que la veille soit moins affreuse que ce terrible sommeil. Je vous aimais, Edward Arundel. Ah, vous tressaillez. Que Dieu soit loué pour cela du moins. J'ai bien gardé mon secret. Vous ne savez pas ce que signifie ce mot amour, le savez-vous ? Vous croyez peut-être aimer cet enfant, cette jeune femme qui est ici. Mais je vous dis que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. Je sais ce que c'est moi. J'ai aimé. Pendant 10 années longues, tristes, mortelles. 10 misérables années de 52 semaines chacune, de 52 dimanches avec de longues heures de loisirs entre les deux services. Je vous ai aimé, Edward. Faut-il que je vous dise ce que c'est que d'aimer ? C'est souffrir, haïr, oui, haïr même l'objet de votre amour quand cet amour est sans espoir. Le haïr pour les charmes mêmes qui vous l'ont fait aimer, lui refuser les dons et les grâces qui vous l'ont rendu cher. C'est haïr chaque créature sur qui ses yeux se fixent avec plus de tendresse qu'ils n'en ont pour vous. Étudier une figure jusqu'à ce que ses lignes familières deviennent un tourment perpétuel pour vous et que vous ne puissiez dormir à cause de cette éternelle image qui hante tous vos rêves. L'amour. Combien de gens sur cette vaste terre connaissent la signification réelle de ce mot hideux ? Je l'ai apprise, moi, cette signification, et si bien que la leçon est odieuse à mon âme. On me dira que je suis folle, Edward, et ce sera presque la vérité, mais pas tout à fait. Ma folie, ça a été mon amour, dès le début de notre connaissance, alors que vous n'étiez guère plus qu'un enfant. Vous souvenez-vous des longs jours passés au prieuré ? Moi, je me souviens de chaque mot que vous m'avez dit, de chaque sentiment que vous avez exprimé, de chaque expression de votre noble figure. Vous fûtes le premier objet brillant qui apparut dans ma vie désolée et je vous aimais. J'épousais John Marchmont. Savez-vous pourquoi ? Parce que je voulais dresser une barrière entre vous et moi. Je voulais rendre mon amour pour vous impossible en faisant un péché. Je ne croyais pas qu'il fût dans ma nature de péché. Tant que mon mari vécut, je chassais votre image de mon esprit comme j'aurais chassé celle du prince des ténèbres s'il était venu à moi sous une forme palpable. Mais depuis lors, oh, j'espère que j'étais folle depuis lors. J'espère que Dieu pourra me pardonner mes péchés, parce que j'ai été folle. Ses pensées se fixèrent de nouveau sur cette terrible question qui depuis peu s'était agitée dans son esprit. Pourrait-elle obtenir son pardon ? Était-il donné à la miséricorde divine de pardonner des péchés comme les siens.